i la seva companyia. És que sense música, què seríem tots nosaltres? En François Hardy, avui comencem el nostre programa d'Aula a la Música, un programa eclèctic que ens portarà diversos i preciosos artistes que tindran a bé d'oferir-nos precisament la seva música. Aquests instants de felicitat que nosaltres podem tenir, ens poden agradar o no, però la música, en definitiva, és felicitat per l'ànima. Una de les seves cançons, i seguirem. Salutacions de Rafael Corbí, comença Hola la Música a partir d'aquests moments. Listen to the music so.

le jeu du plaire à l'ingénu. Car à la fontaine, souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent. I diferents estils Zeb Da amb Tombé de Chemise, que ens acompanyava amb la seva cançó, un grup franco-argelí, també de la regió de Tolosa, de Llenguadot. La seva barreja de música ens aportava part d'aquests moviments franco-argelins, doncs, instruments balcànics,

sur mon chemin. Comme les anges chantaient tes louanges, mais je ne suis pas un ange, tu le sais bien. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Je t'aime comme, un copain. Souvent, je pense que dans ton immense palais de silence, tu dois être bien. Je t'appartiens. La musique, au programme de musique française à la teva emissora. Desagrada mai la seva música, tot i que de vegades conec que és una mica cansina, però per molts dels afeccionats amb el nostre espai de ben segur que els agrada la música de la Charlotte Gainsbourg, la filla d'en Sergi, que portava aquest tema, The Shadow, que ha fet els artistes. Els artistes, així mateix, ens acompanyen amb el nostre programa abans Gilbert Bocó, amb J.T. Partien, la seva cançó. Què tal si escoltem a Raft, amb Ja que dansé, ballem una mica, amb uns ritmes plenament diferents amb el programa d'avui d'Hola la Música. Tout cassé. N'avons-nous là de malheur et de mots bien assez. D'homme et homme en bas tout tombe à Calédonie. Qui reste aboriginal à la fin des colonies. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle. Y'a qu'à danser, bégayer, souquer, gazer, fit tout mélanger, rasser pour tout coller. Y'a qu'à rouler, swinguer, secouer, à nous râler, à jamais nous oublier, couleur et sans mêler. Chacun ses héros. Varsovie ou Soweto, à chacun ses ghettos. Jeté gitan, humilié, homo pour un bon à rien. Mille indiens décimés pour un fier américain. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est mort, Marie est belle. Y'a qu'à danser, bégayer, souquer, gazer, fit tout mélanger, passer pour tout coller. Y'a qu'à rouler, swinguer, secouer, à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et s'en mêler. Gazé, fit tout mélanger, brassé pour tout coller. Y'a qu'à danser, bégayer, souquer. Gazé, fit tout mélanger, brassé pour tout coller. Y'a qu'à rouler. Secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, douleur et s'en mêler. Segur que aquesta és una cançó de la qual ja l'heu escoltat moltes vegades, però avui, com es feia abans a Eurovisió, quan Eurovisió era Eurovisió, les cançons es promocionaven cantant-les en diferents idiomes a part de l'original. Ja sabeu la polèmica que va haver-hi amb aquesta cançó i per què Joan Manuel Serrat no la va cantar a Eurovisió, perquè la volia cantar originalment en català i no se li va permetre. Després crec que recorda que va ser la Basiel que ho va fer. Bé, aquella cançó es va popularitzar en diversos idiomes i avui, doncs, òbviament amb el nostre programa l'escoltarem en francès. És el La La La de Joan Manuel Serrat.

je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Un soir d'ivresse honteuse, échouée sur un banc, je cherchais dans la lune un éclat consolant. Quand je vis la faucheuse qui promit la fortune si j'allais boire le der dans le café des gens. C'est un petit bar discret, légende de la rue, un endroit pas très clair où l'on vient en secret avaler la ciguë d'une vie à l'envers. C'est là qu'on boit le der dans le café des gens. Dans le café des gens, chacun vit son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. On y croise le monde qui naufrage en silence. À l'autre bout de la nuit, de Gavroche à la Blonde, sa chaloupe et sa danse sur l'océan d'ennui. Qu'on boit et qu'on boira dans le café des gens. Aux damnés de la terre, j'ai payé ma tournée pour partager la lie et les joies de misère d'une vie prédestinée à la mélancolie. C'est là que j'ai bu le der dans le café des gens. Chacun vit son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. Fièvre à la tête, au comptoir des braves gens, les poètes enchantés, et mon âme à la fête, a flambé pour mille ans, d'une étrange clarté. Et puis j'ai bu le der dans le café des gens. C'est le chant d'un moineau qui m'a rappelé l'autre jour. La mort était partie, je levais la tête bien haut et reprenais mon tour dans le manège de la vie. J'oublierai pas ce dernier dans le café des gens. Dans le café des gens, chacun vit son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. Dans le café des gens, chacun vit son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. Un soir d'ivresse honteuse, dans le café des gens, j'ai bu à cœur ouvert dans le café des gens, l'un dans les bras de l'autre dans le café des gens. On emmerde la mort dans le café des gens. À crédit au comptoir, dans le café des gens, j'ai payé ma tournée, dans le café des gens, on boit et on boira, dans le café des gens, j'oublierai pas le der, dans le café des gens. Y'en a qui sortent en équipe, avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go en fourraillé, au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin, mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Portugais, mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem, tout a bem, tá bem. Todo mundo aqui tá bem. J'suis avec mon mec, tá tudo bem. Eu tô bem, tout a bem, tá bem. Todo mundo aqui tá bem. J'suis avec mon mec, tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa, é mafiosa. Salto novo e bolsa nova. É mafiosa. Mafiosa, com a mafiosa não brinca com seu homem. Ouais ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais ce soir on est 50. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Se avec mon mec tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Se avec mon mec tá tudo bem. É mafiosa. C'est un long métrage. C'est elle qui nettoie mes armes. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocana, é a brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Cap al final del nostre programa, la música que ens ha acompanyat a través d'aquest espai de Hola La Music en el programa d'avui, ja us ho hem a partir del principi, absolutament eclèctic, amb la Barbo Truité, amb la Café de Gens i també amb l'artista, amb la Carolina i aquest mafiosa que ens acabava d'acompanyar. Com que m'encanta, altero una mica el ritme perquè avui vull acabar de bell nou amb la Sasí, amb una de les seves cançons de l'Isabel, Un Point Setuar, és aquesta la cançó que poso per finalitzar el programa d'avui d'Hola la Música. Gràcies per haver-nos acompanyat. Salutacions de Rafael Corbí, ben aviat amb més especials aquí al vostre costat. A reveure.